on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional. D'abord, en parlant de soccer, il y avait des hier dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec le directeur technique de l'association de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Chartier. Olivier Chartier qui nous mentionne dans un premier temps que l'association régionale connaît quand même une bonne saison. Honnêtement, ça va quand même assez bien. On a eu une croissance au niveau des inscriptions par rapport à 2017. Okay. Aussi, là, on remarque là, une nette amélioration dans les petits clubs, puis okay. Également dans les clubs du Haut-du-Lac. Les clubs là, les petits clubs, dans le fond, à part Alma Chicoutimi-Jonquière, participent énormément dans les catégories là, de U9 à U12 dans le A, qui est le plus haut niveau là, en U9, U10, U11. Et puis, c'est quelque chose qu'on voyait pas dans les dernières années. Donc, honnêtement, c'est un signe encourageant pour le développement du soccer régional. Et dans un deuxième temps, ben, Olivier Chartier nous mentionne que du côté de niveau compétition, ben ça va quand même assez bien. Mais malgré tout, le but, c'est pas nécessairement la victoire défaite, mais de fournir des joueurs pour l'Académie de l'Impact de Montréal. Je crois que oui. Honnêtement, il y en a beaucoup qui en parlent. Je vois des clubs aussi organiser des pools. Amicaux, sans faire de gageure nécessairement, mais plus des poules amicaux. Et puis, honnêtement, je pense que c'est un événement là, qui est intéressant. Puis, c'est pendant la journée, les jeunes vont pouvoir regarder ça, mais qui finissent l'école là, demain ou au début de la semaine prochaine. Ouais. Puis, c'est une qualité de jeu extraordinaire. On regarde un match de la MLS, puis on regarde un match de la Coupe du Monde, qui est totalement différent. Mm. Honnêtement, là, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est du bonbon là, au niveau là, du jeu. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les pays peuvent gagner. Et tous les matchs sont serrés. Donc honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui peut être bénéfique là, pour le soccer au Canada au complet, pas juste pour le Québec, mais au Canada. Puis je pense qu'à long terme, là, en regardant des matchs comme ça, nos jeunes vont encore plus se développer et être prêts pour des événements. Parlons toujours de soccer. Il y avait des matchs dans les différentes ligues de soccer qui nous intéressaient hier. D'abord, à noter que du côté de Saint-Félicien, victoire du Chinook de Chicoutimi 2-0 sur le FC de Saint-Félicien. Également, U14 féminin, victoire du FC de Saint-Félicien 5-0 sur Métabetchon et Calacroix. Et le FC du Fjord a défait le FC de Saint-Félicien 3-1. Ligue de Balmol de Robertval, il y avait 3 matchs hier. À noter que Saint-Hubert a défait Pierre-de-Tourcel 12-11. Également, Zodiac 5, Garma 4. Et Megavac a défait Espoir 23-18. Marcel Maltais, qui a été longtemps au niveau du hockey mineur dans la région, a été intronisé samedi dernier lors du temple, au temple de la renommée du hockey mineur québécois. Marcel Maltais a fait beaucoup, beaucoup pour le hockey et les jeunes dans le secteur. Entre autres, en 1995, il a été fondateur et cofondateur du tournoi junior Mario Tremblay. Donc, au cours des prochaines journées, on va essayer de rejoindre Marcel Maltais pour parler de ses souvenirs. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.